fun, fatty on the track. L'amore l'ho bevuto, bottiglia benvenuto. Divento pazzo ma poi resto muto. Fuck le peso su infame le puto. Voglio le ore ed è arrivato il fumo. Non ho stress, paga l'avvocato. Quando me sta tutta pensando, me lancio perché quando mi schiamo. Sono pazzo loco, sono malato. Ma quando mai è troppo persa per i miei guai. Pago la spesa, modo offline. Non ho prese, mamma mia la son piena Z. Tranquillo ormai passerà. Piena Z ma sì. Audi RS Sport, l'asfalto prende fuoco. Mi ricordo di quel pullo in quanto cazzo devo piano. Ora spiego quei cavalli, oh. Le tasche sono un po' pesanti, sempre ho convinto i cavalli. Mi facevo quella bellia. Prima stato sul dettaglio la sera. Va tranquillo puto che ora va meglio. Mi chiedo quando tutto questo finirà. Prima metto da parte qualche euro. Tranquillo amico, sta dormendo la scena. Tranquillo amico, se la dolce vita. Il me faut ma dose, vécu de vitesse. J'fais pas le mafioso, à fond dans la caisse. À fond sur un cross, ils parlent mal 7 sur 7, je les baise. Ils parlent mal 7 sur 7, moi je bosse. Ce qui m'a forcé, moi c'est la street. On a faim, tu vois le monde dans le croc. N'oublie qu'à personne, on s'agrippe. Mio fratello, j'suis pas un télo. J'suis sorti des égouts comme Donatello. Avec bébé Othello, le cœur est scellé. Frappe à la juive bleue. J'me suis endormi devant la télé. Tu peux finir au pic, à force d'envoyer tes pics. Pistolet automatique, j'm'en ai le petit tir sur ta clique. Ici tu peux finir au pic, à force d'envoyer tes pics. Pistolet automatique, j'm'en ai le petit tir sur ta clique. Chaque acte a sa conséquence. Est-ce que des taxes dans le prix de l'essence? Est-ce que des taxes dans le prix de l'essence? J'suis à neuf, j'suis en full puissance. J'avais le fusil dans le buisson. Regarde mes deux lettres sur les cuissons. Dès que j'suis dans le bon, je gère la cuisson. À cause d'un pas, j'bois plus de capriceux. J'me lève en France, j'suis brisé. J'te parle français, tu sais pas ce qu'on sait. Alors faut doser, soirée arrosée. Ça finit en sens, ça finit mauvais. Au procès sur le Hugo. Un man, 6 mois de sursis. J'la croisée, maintenant elle donne des goûts. La rue ça tourne vite ici. J'suis sans chance, même si des fois la vie fait que c'est dur sa mère. Merci mon Dieu, je garde la foi. J'fais comme je peux, j'fais mes prières. J'me sens chanceux, même si des fois la vie fait que c'est dur sa mère. Merci mon Dieu, je garde la foi. J'fais comme je peux, j'fais mes prières. On dit Marseille côté Bresson, là on s'est pisté. On se part derrière, on est vite et j'mets des fils d'eux. Y'aura pas le temps, pas de tête, c'est vite fait. C'est le 13, on va rafaler dans ta cité. Pour moi j'ai trop bandit de ce partenaire. Y'a pas d'amis mais beaucoup de partenaires. On s'allie tout si tu dois pas peur. Pas de peine, tu vas finir entouré par terre. Règle au minimum, règle au millimètre. Comme un 9M, par en fait tomber les mecs. Ils sont où les love, t'as des trous dans les mains. Mini mon net dans le corps comme dans Minimum. Des racks épaisses, couleur MLM's. Leurs tracks sont lèches comme des Minimoys. Ça ramène la frappe sur du Eminem. Et règle ça disparaît, j'en mode des Minimoys. Cash, cash, cash, il me faut du cash, cash, cash. M font les fraîches, fraîches, fraîches. Mais M gratte la moche, moche, moche. Bitch. Et si tu peux finir en pique, à force d'en.